de mal de tout ça, des moments de bonheur, des regards échangés, un zeste de complicité. Des étoiles dans les yeux, la joie d'être libre, des rêves plein le cœur, et du plaisir aucune rancœur. Main dans la main, main dans la main. Juste la magie de l'amour, une nouvelle vie pour toujours.